Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour l'émission Livresque Préface pour parler bouquins autour de thèmes variés, tout ça avec des propositions musicales. Le thème aujourd'hui, c'est l'esclavage et les êtres surnaturels. Alors quel rapport entre les deux? Je dirais Bartiméus. Bartiméus est une trilogie de Jonathan Strode qui date déjà de quelques années, mais cette saga m'a fait penser à une autre œuvre qui vient de connaître un peu d'actualité, Death Note. Alors ne vous inquiétez pas, je suis là pour tout vous expliquer et surtout pour vous faire découvrir des lectures sympas. C'est parti! Alors Bartiméus, ça vous dit quelque chose, les fans de fantasy? C'est une saga de 3 tomes qui est sortie entre 2003 et 2005, écrite par le très talentueux Jonathan Strode, à qui l'on doit aussi Lockwood Echo, qui paraît chez Albin Michel depuis 2014. Mais bien sûr, cette saga, c'est à elle que je dois ma citation favorite, qui va d'ailleurs très bien avec le thème d'aujourd'hui, qui est « La liberté est une illusion, elle a toujours un prix ». Alors je parle, mais de quoi ça cause, Bartiméus? Eh bien très simplement, des aventures du djinn Bartiméus. Cette entité de quelques 5000 ans est invoquée au XXe siècle par un apprenti magicien londonien du nom de Nathaniel. Le but de cette invocation, c'est de voler l'amulette de Samarcande en possession du puissant magicien Simon Lovelace pour se venger d'une humiliation passée. Puéril, vous me direz, Nathaniel l'est. Et en plus, il est très imprévisible, ce qui est assez normal à 11 ans, mais Bartiméus est un djinn plein de ressources et surtout plein d'humour. On va donc suivre les péripéties de ce maître et de son esclave à travers la société londonienne, régie par un ministère de la magie qui contrôle ceux que les magiciens appellent les plébéiens, en asservissant des démons puissants. Alors pour être tout à fait exact, il y a différentes sortes de démons, et certains magiciens, comme les apprentis, ne peuvent qu'invoquer des gnomes ou des folios, tandis que les magiciens plus endurcis invoquent des djinns, des afrites, des marides et d'autres entités plus puissantes encore. Donc cette trilogie est très bien, selon moi, pour énormément de raisons. Déjà l'histoire, ensuite le style d'écriture, les personnages aussi. Mes 3 points sont pour moi très importants: l'esclavagisme sous-entendu, les inégalités sociales et l'humour. Pour le dernier point, oui, je commence par la fin, ce qui est très innovant, ce sont les monologues en notes de bas de page de Bartiméus qui commentent le récit qu'il fait en même temps. On a alors le droit à des anecdotes de sa vie ou juste à ses pensées immédiates, et c'est vraiment rafraîchissant pour un livre de fantasy. Les inégalités sociales peuvent aussi être vues sous plusieurs angles, les inégalités entre magiciens et plébéiens, entre magiciens selon leur place au ministère de la magie ou dans la société, et surtout entre les magiciens et les démons. Ce qui nous amène au troisième point, le premier si vous suivez bien, l'esclavagisme. Les démons qui sont invoqués sont esclaves de leur maître, finalement. La seule façon pour eux d'avoir le dessus sur ceux qu'ils maîtrisent, c'est d'arriver à les faire sortir de leur pentacle lorsqu'ils sont invoqués, ou de connaître le nom de naissance du magicien. C'est assez complexe, vous me direz, et c'est pour ça que ils sont souvent sous la maîtrise entière du magicien. Une vie dans l'autre lieu sans encombre ni limite, qui est donc réduite à une vie d'esclave dans le monde des humains. Ça m'a fait un peu penser à Death Note, cette phrase, et vous allez comprendre pourquoi, mais avant, on va faire une petite pause musicale d'une chanson qui ferait une très très bon générique de Bartiméus, selon moi, qui est Temper Temper de Bullet for My Valentine, qui est un chant plein de rage et de puissance, comme celle des démons. Je vous laisse apprécier. We'll be right back. C'était Bullet for My Valentine, Temper Temper, un son très puissant comme les pouvoirs de Bartimeus. Alors revenons au sujet de l'émission préface du jour. Pourquoi rapprocher Bartimeus et Death Note lorsqu'on parle d'esclavage ? Déjà, Death Note, c'est un manga écrit par Tsugumi Oba et dessiné par Takeshi Obata, qui a été publié entre 2007 et 2008 en France. Oba et Obata ont d'ailleurs fait aussi Bakuman, qui parle du travail des mangaka, et Platinum End, qui ressemble un peu à Death Note, je trouve, et qui est toujours en cours de parution. L'histoire de Death Note, c'est assez simple. Light Yagami, un jeune lycéen surdoué, trouve un cahier tombé du ciel, le Death Note. Grâce à ce cahier qui permet à son détenteur de tuer une personne avec uniquement son prénom, son nom et son visage, Light va se lancer dans un projet immense, éliminer tous les criminels qui pourrissent le monde selon lui et devenir le dieu de ce nouveau monde. Mais on s'en doute, ce ne sera pas si simple, car celui que les gens surnomment Kira va rapidement attirer l'attention d'Interpol. Le mystérieux détective Elle Loliette décide alors d'enquêter sur ce Kira, bien décidé à découvrir ce qui se cache sous ses meurtres à répétition. Death Note, c'est un thriller très passionnant, un seinen de 13 tomes, dont un chapitre one-shot vient de paraître. On s'en serait bien passé, mais bon. Bref, quel rapport avec Bartimeus, me direz-vous ? Eh bien, Ryuk. Qui c'est, lui, Ryuk ? Ryuk, c'est le propriétaire du cahier de la mort de Light. C'est un dieu de la mort qui s'ennuyait tellement dans son monde qu'il a décidé de faire tomber son cahier sur Terre pour se divertir un peu et pour déguster les gouttes pommes de la Terre qu'il adore tant. Alors du divertissement, il en aura. Hein. Light et elle sont tous deux tellement doués que les rebondissements sont innombrables et les morts incalculables et d'une logique imparable. C'est extraordinaire. Mais Ryuk est quand même victime de son propre jeu puisqu'il ne peut rejoindre son monde que lorsque le porteur de son Death Note meurt ou abandonne ce cahier et la mémoire qui y est en même temps. Donc Ryuk, c'est un peu aussi l'esclave de plus faible que lui, à la différence qu'il a choisi d'intervenir sur Terre, contrairement à Bartimeus, qui est obligé de rejoindre le monde des humains lorsqu'il est invoqué. Donc de plus, Ryuk est un peu comme Bartimeus, un être surnaturel. C'est un Shinigami, un dieu de la mort en japonais, qui est notre faucheuse en Occident. Alors oui, Bartimeus est un démon entre esprit et monstre, mais ils ont un point commun, ils sont surnaturels, voire même extra-humains. Donc à part ces ressemblances, Death Note aussi aborde les thèmes du droit de vie et de la mort sur les individus, le destin aussi, mais surtout les thèmes de la logique et de l'intelligence. C'est un manga donc beaucoup plus sombre que la trilogie Bartimeus, qui n'a rien à envier tout de même avec ses morts à répétition. Donc voilà un petit peu pour ce parallèle assez particulier, mais qui finalement, quand on le réfléchit comme ça, paraît assez logique. Ouais, je me lance un peu des fleurs. On va terminer sur une dernière pause musicale pour écouter, voire réécouter, le premier opening de Death Note, l'animé produit par le studio Madhouse, très très bon studio d'animation, The World du groupe Nightmare. Je vous laisse apprécier. Crazy to get voilà, c'est sur cet opening de Death Note que l'émission se termine déjà. J'espère qu'elle vous aura donné envie de lire ou de relire ses œuvres et qu'elle vous aura surtout fait découvrir de nouvelles choses. Petit rappel, la trilogie Bartiméus est disponible en grand format chez Albin Michel dans la collection Wiz entre 17,25€ et 19,30€ et en poche chez Livre de Poche entre 7,90€ et 8,90€. Et le manga Death Note est quant à lui disponible en 13 tomes chez Kana au prix de 6,85€ le tome. Donc voilà un petit peu pour les informations pratiques. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et bonne lecture. Salut !